voir ma face. Mais passe, passe, loin, j'ai fait de la place. Car ma présence c'est comme un bowling, mais dans un palais des glaces incongru. Et c'est un mot chelou incongru. Un peu comme un chip show avec le menton dru. Ou un qui ne parle que bitch, freak, strip, credibility. Tu sais, incongru, moi je réfléchis dans les champs. Rêve en aidant les gens, des fois je suis dangereux, c'est vrai. Mais bon, je suis pas méchant, juste fâché. Ouais, un peu fâché de savoir que pour un sachet de weed on peut t'attacher. Le système ne rappe pas, je l'aurais déjà clashé. Pour vivre heureux, pas le choix, du coup faut vivre caché. Arracher le bonheur, fin t'es comme un apaché. Se battre quand même, ou finir mâché. La loi du marché voudrait que je fasse du cachet. Que je marche droit, mais moi je crois que je préfère pas marcher. Je préfère même pas m'arracher. Juste des fois changer de flow quand je me fais chier. Et ça fait Bilbo débarque au mic. Et pour ça pas besoin de Nike. Et je ne parle pas souvent de marque. Je ne sais pas si t'as remarqué. Mais Bilbo débarque au mic et tout de suite ça tourne comme un joint. Le mauvais shit black. Tandis que de la beuh se roule, de la beuh se vend un peu partout en France. Dommage, l'État n'en veut pas dans ses finances. De la beuh se fume, monsieur le président. C'est comme ça, ouais, tu devrais tester ça détend. Trop de raisons d'être anarchiste et de péter les plombs. Regarde la partie d'échec dont ils croient qu'on est les pions. Mais en vrai, on est des fous. Ils se prennent pour des rois à cheval sur leurs principes dont ils ont fait des lois. Mais qui tient les rênes? Allez leur dire que c'est notre tour. Moi je m'en pète les veines, à gueuler mais on dirait qu'ils sont sourds. Je me casse la voix comme Bruel qui se pèterait un doigt pied. Mes réponses sont vides comme le portefeuille ne sont pas à pied. Sans phonème au maître et en miette. Je kick des sons quand ça fait sens, ben je m'arrête. Et puis je repars aussi sec qu'après le litre de pastis que t'as bu sans eau et que sec. Tu sais que je traîne avec des gars plutôt fouet que fake fuck. Tu voulais nous péter les secs, mes bellecs. Le ville pour moi que t'électrise. L'envie de faute de maîtrise, de méprise. Thank you.